La montée de nos actes, suite. Par escalier, volet de marche, ailes dures ou échelles, bureau d'or, et tête posée sur des pierres. Il y a un saule mobile, un dôme pensif, voûté comme Joconde, l'arbre coupé d'hier, sous l'horloge au mur possessif. Eux sont des prés émaillés. C'est comme un bouquet de tulle influent au-dessus d'Emma, et le lit bureau, manteau citron, égale cette bande relation, chaîne d'or et câble d'or tendu, le fond de la matière des pans de chambre. Le livre de plusieurs choses demande oreilles montées, chaise d'osier posture et posturologie, robe nouvelle et chère où le poème par ma bouche, un arc musiqué, se développe dans l'air contre l'hiver qui tire la bâche. Hiver asphalteur, caractère tranche du ciel, il fait une chute dans la vallée.